l'histoire d'une aventure familiale et scientifique à la fois. En 2017, un couple de plongeurs passionnés, Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou, ont embarqué à bord de leur voilier, le Wai, avec leurs deux enfants pour un périple de 4 ans, allant des mers gelées de l'Arctique jusqu'aux eaux cristallines de la Polynésie. Mais leur expédition n'a rien d'un simple voyage en famille. Depuis le départ, à bord de leur bateau se succèdent des équipes de chercheurs. Objectif de cette expédition baptisée Under the Pole 3, étudier les formes de vie qui peuplent les océans au niveau de ce que l'on appelle la Twilight Zone, cette zone crépusculaire située entre 30 mètres et 150 mètres sous la surface, juste avant l'obscurité absolue des grands fonds. Le volet principal des recherches menées lors de cette expédition portait sur les coraux au large des archipels de Polynésie. Le but était de répertorier les espèces de corail qui vivent dans cette couche de moyenne lumière, découvrir jusqu'à quelle profondeur elles se développent et savoir si cette zone pourrait constituer un refuge pour les coraux proches de la surface impactés par le changement climatique. Comment se sont déroulées ces plongées en Polynésie? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, Guylain Bardou, responsable et fondateur des expéditions Under the Pole, et Laetitia Edouin, biologiste au CRIOB, qui a coordonné les recherches sur les coraux lors de l'expédition. Et en fin d'émission, à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture aujourd'hui, nous nous intéresserons à la diversité des races des animaux d'élevage en France avec l'ingénieur agronome Éric Birloez. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Ah, il va pas casser un. Je suis détruit un motou. Il y a un petit côté île de Robinson, je trouve, de par son isolement, le côté île vierge. Donc on va tenter un stop. On va aller se balader et si tout va bien, on va essayer d'y plonger. Ouais. Makatea n'est pas un mot polynésien. Makatea est un mot scientifique. Il veut simplement dire corail blanc. Tous les atolls en Polynésie, dans le Pacifique, qui sont de ce concept, les scientifiques les appellent des Makatea. Nous étions donc à Makatea, une île de l'archipel polynésien des Tuamotu. C'est un extrait du documentaire Polynésie, la quête des profondeurs, dans lequel on vous voit à l'œuvre, Laetitia Edouin et Guylain Bardou. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors avec votre bateau, le Wai, Guylain, vous avez accosté entre autres sur cette île et vous avez fait des plongées particulièrement belles. Décrivez-nous cette île de Makatea. C'est une île qui est assez fascinante parce que elle est différente de toutes les autres déjà. C'est des grandes falaises effectivement qui dominent la mer. C'est une île qui est très isolée, pas tant par son éloignement géographique, mais parce qu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'aéroport. Et donc le seul moyen d'y aller, c'est d'y aller en voilier ou en bateau moteur et d'avoir une fenêtre météo qui nous permette d'y séjourner quelques jours. Donc ça, c'est une richesse, c'est celle de la rareté. Après, la principale découverte qu'on a fait à Makatea, notre coup de cœur, c'est lié aux plongées qu'on a fait sur le programme Deep Hope avec Laetitia Edouin. On est descendu profond, jusqu'à 120 mètres, comme on le faisait sur nos autres sites de travail. Mais la différence, c'est qu'à Makatea, on est tombé sur un massif de coraux à des profondeurs où habituellement on n'en trouve pas autant. Concrètement, dans la zone jusqu'à 90 mètres, on avait une couverture corallienne importante. Et c'est le seul endroit sur toutes les plongées qu'on a pu faire en Polynésie où on a trouvé ça. Et donc ça, c'est une originalité, c'est une curiosité qui amène des questions. Ouais, Laetitia Edouin, ces coraux qui se portent bien en eau relativement profonde. Hein. C'est une surprise pour la spécialiste des coraux que vous êtes? C'est pas vraiment une surprise parce qu'il y a différentes études depuis maintenant une dizaine d'années en fait qui nous montrent que les coraux sont capables de vivre jusqu'à des profondeurs de 120-130 mètres. Par contre, c'est une surprise pour la Polynésie française parce qu'on n'avait jamais été explorer de manière intensive ce qui se passait en dessous de la zone des 30 mètres. Et effectivement, c'est une très agréable surprise, ouais. Ce parterre corallien qui a été découvert à Makatea, parce qu'on ne pensait pas qu'on trouverait un tel endroit avec autant de coraux à une profondeur de 90 mètres. C'est vraiment une découverte qui nous fascine pour comprendre comment les coraux arrivent à vivre à cette profondeur alors qu'il y a très peu de lumière. C'est toute la question, hein, parce qu'on est vraiment dans une zone crépusculaire avant l'obscurité absolue des grands fonds. Il y a cette zone où quelques pourcents seulement de la lumière du soleil parvient. Et pourtant, on trouve des formes de vie, et en l'occurrence, là, du corail. Oui, c'est au départ, le corail, c'est un animal qui vit en symbiose avec une algue dans ses tissus. Et cette algue, elle a besoin de lumière pour faire de la photosynthèse et pour amener à peu près 90% de l'énergie au corail. Mmh. Et c'est cette énergie qui permet au corail de grandir, de se reproduire ou de faire face à des maladies. Donc son métabolisme est vraiment dépendant de cette algue. Et du coup, plus on va descendre avec les profondeurs, plus ça va être compliqué de faire de la photosynthèse pour l'algue parce que la lumière devient rare. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est posé la question, voilà, de par quel processus les coraux arrivaient à continuer à vivre et à produire ces massifs qu'on a découverts à 90 mètres alors que la lumière était rare. Laetitia Edouin, vous, ça fait une dizaine d'années maintenant que vous travaillez sur les coraux de Polynésie. Comment ont-ils évolué justement ces coraux au cours de ces dernières années ? Alors, moi, je suis arrivée au CRIOB en 2010. C'est le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, hein, qui est basé à Montréal et aussi à Perpignan. Et donc, moi, je suis arrivée au CRIOB à Montréal en 2010. Et quand je suis arrivée, j'étais spécialisée sur le corail. Et j'étais un petit peu inquiète parce que tous les coraux avaient été dévastés par un cyclone et des étoiles de mer mangeuses de coraux. Et donc, il restait à peu près que 2% de corail vivant sur la pente externe de Moria. Mmh. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, ben, ça va être un petit peu compliqué de développer des recherches. Il n'y a plus de corail vivant. Et naturellement, les coraux sont revenus. Il y a des larves qui se sont réimplantées. Et quand on a démarré l'expédition en 2018, il y avait 60% de recouvrement corallien. Donc au final, au cours de ces 10 dernières années, on a vraiment assisté à une capacité qu'on appelle de résilience du récif. Et on s'est retrouvé face à un écosystème, je dirais, en pleine santé. Et ça, c'était vraiment encourageant. Surtout aujourd'hui, quand on entend toutes les mauvaises nouvelles à travers la planète sur l'état des récifs. Parce qu'on entend effectivement parler de blanchissement des coraux. Ce blanchissement, il s'explique comment ? Quelle en est la cause ? La cause principale, c'est une augmentation anormale de la température de l'eau. Donc le corail vit en symbiose avec une algue, la zooxanthelle. C'est cette symbiose-là qui amène l'énergie au corail. Sauf que lorsque la température de l'eau augmente, la machinerie photosynthétique, en quelque sorte, elle est abîmée. Et du coup, la réponse, c'est que les zooxanthelles sont expulsées. Mmh. Donc ces algues sont expulsées du corail. Donc la symbiose, finalement, la symbiose est cassée. Il ne reste plus que la partie animale du corail et la partie végétale. La partie végétale s'en va, sauf que du coup, vous observez un animal qui n'a plus d'apport énergétique. Oui. Et du coup, il peut rester quelques semaines comme ça, mais au bout d'un certain temps, il est en quelque sorte affamé et il va mourir de faim. C'est irréversible ? Alors, le blanchissement, non. Quand le corail est blanc, c'est juste qu'il a perdu ses algues. Par contre, si la température de l'eau redevient normale, eh bien, il va pouvoir récupérer ses algues et il va pouvoir s'en remettre. Mmh. Mais il y en a certains qui vont mourir parce que, en quelque sorte, on aura trop abîmé les fonctions métaboliques du corail. Et dans les questions, justement, que vous vous posiez avec cette recherche menée avec Under the Pole, est-il possible que les coraux qui vivent un peu plus en profondeur soient moins concernés, justement, par l'impact du changement climatique? Et peut-être que ces zones servent de refuge pour ensuite recoloniser les espaces plus en surface quand les temps seront meilleurs. Oui, voilà. Donc au départ, ma quête à moi, c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pour essayer de préserver ces écosystèmes que je trouve magnifiques et qui sont nécessaires et qui apportent plein de services à plus de 500 millions de personnes. Et du coup, une des questions qu'on se posait, c'était voilà, comment favoriser ces processus de résilience des coraux, des récifs qui sont capables de revenir. Et on se posait la question s'il n'y avait pas des coraux dans les zones plus profondes que nous, on ne pouvait pas aller observer. Mmh. Qui pouvaient être des sources de larves qui viendraient régénérer le récif de surface. Alors on va voir comment se sont passées effectivement ces plongées qui ont permis de répondre en partie à ces questions que vous vous posiez. Il faut préciser quand même qu'à bord de ce bateau, le Wai, il y a l'équipe de scientifiques, vous, Guylain Bardou, votre épouse, Emmanuelle Perrier-Bardou, et puis vos enfants. C'est une aventure scientifique qui se vit en famille. Comment vous arrivez à concilier l'aventure familiale et l'expédition scientifique ? Alors l'objectif, d'abord, ça reste la mission scientifique. La famille, c'est un choix qu'Emmanuel et moi, on a fait depuis le début, parce que les missions qu'on mène avec Under the Pole, c'est des missions qui sont longues, qui durent plusieurs années en général. Mm-hmm. Et puis, pour la parenthèse, les enfants, Robin, Tom, qui ont 3 et 7 ans, c'est beaucoup de richesse en fait, parce que ça apporte une humanité au sein d'un groupe qui est absente dans une structure professionnelle classique. Et à bord, on a une équipe qui joue, qui échange avec Robin et Tom. Ils ont tous un peu ce rôle de tonton, de tata, de frère ou de sœur. Et voilà, ça apporte de la convivialité, de la simplicité. Alors c'est une richesse pour l'équipe, c'est aussi évidemment une richesse pour vos enfants, avec des moments forts comme cette plongée avec des baleines dont votre fils Robin et votre épouse Emmanuelle Perrier-Bardou se souviendront longtemps. Au moment où on arrive à l'endroit où elles sont censées être sous nous, elles sont déjà en train de remonter. Juste devant nous, je vois Robin qui n'a pas du tout peur et qui essaye même de se rapprocher. Et à un moment donné, je me dis, il va monter sur le dos de la baleine. L'espace de quelques secondes, en fait, on réalise ce rêve où on croise tous les trois le regard de ces baleines. Ah ouais, il en a appelé complètement. Là, c'était incroyable. Bah ouais, parce que t'as vu, on en a vu combien? Combien t'en as compté? J'en ai pas compté. T'as pas compté? Non. Parce qu'il y en avait, je pense qu'il y en avait 4. Ouais. Je pense que c'est peut-être un des plus beaux en fait. Sans exagération. Un des plus beaux jours de ma vie, dit votre épouse Emmanuelle Perrier-Bardou. C'est vrai que vous en vivez des moments forts lors de cette expédition. Et puis pour vos enfants, on se dit que vous leur offrez une enfance hors du commun, incroyable. On l'espère, on le souhaite. Ils n'ont pas choisi cette vie-là, c'est nous qui l'avons choisie pour eux. Mais ils s'en plaignent parfois, parce que nous on imagine que c'est le rêve, mais est-ce qu'il leur arrive de dire « moi j'aimerais aller à l'école tranquillement avec d'autres enfants et pas être trimballé sur ce bateau ?» Non, parce que leurs références, c'est les références des expéditions. Ils ont passé quand même beaucoup plus de temps à sillonner soit l'Arctique, soit la Polynésie, en vivant à bord du bateau, avoir une scolarisation parfois à bord du bateau quand on n'est pas fixe. Ouais. Là, on est rentré il y a quelques semaines en France. Ils ont repris donc l'école, comme tous les enfants de leur âge. Ça doit être difficile, non ? Et au début, Robin, il m'a fait la réflexion. Il m'a dit qu'il voulait rentrer à Montréal et qu'il voulait retrouver l'équipe. Ouais. Et il cite les prénoms des uns et des autres parce que c'est ça leur univers. Ils vont se réadapter, bien sûr, mais c'est ça leur référence aujourd'hui. Et c'est touchant. Oui. Moorea, c'est cette île juste à côté de Tahiti, où se trouve justement le Criobe, où vous avez mené l'essentiel de vos recherches. Allez, nous partons à la découverte des coraux de Polynésie, avec deux membres de l'expédition Under the Pole 3, Guylain Bardou et Laetitia Edouin. Vous écoutez Du vent dans les synapses sur France Inter. 20, 40, 250 bars fermés sous pression. 270 bars, le tendeur fonctionne. C'est parti. de la folk polynésienne. C'était Ovaï du groupe Vaitenaï. France Inter, du vent dans les synapses. À travers l'eau limpide, le récif de corail ressemble à une île engloutie. Les plongeurs descendent le long de cette grande muraille, un monument colossal, édifié par des animaux minuscules et cimenté par des végétaux. Les récifs qui composent la Grande Barrière sont nombreux, mais tous dissemblables. Cousteau sur la Grande Barrière de Corail dans le documentaire des artisans de la mer daté de 1968. Nous sommes toujours en compagnie de la biologiste Laetitia Edouin et du responsable de l'expédition Under the Pole 3, Guylain Bardou. Expédition dont une partie a consisté à étudier les coraux en Polynésie. Est-ce que Cousteau y est pour quelque chose dans votre vocation de plongeur, Guylain Bardou ? Cousteau, certainement, et d'autres, hein, d'ailleurs, d'autres qui nous ont inspirés quand on était gamins. Je me rappelle des dimanches après-midi à regarder l'Odyssée de la Calypso. Et certainement, si on fait ce beau métier qu'on fait aujourd'hui, ils ne sont pas pour rien. Laetitia Edouin, la Grande Barrière de Corail sur laquelle nous étions à l'instant avec le commandant Cousteau, elle est très différente des coraux dont nous parlions dans cette émission qui borde les côtes polynésiennes. Alors la Grande Barrière de Corail, elle est très particulière parce que c'est le plus grand édifice corallien au monde, elle fait 2300 km de long. Et si les gens connaissent peu les récifs coralliens, tout le monde a au moins entendu parler de la Grande Barrière. C'est vraiment ce joyau, ce bijou des récifs coralliens. Elle se situe où exactement cette Alors c'est barrière? À côté de l'Australie. Hein, ouais. Voilà. Et puis une de ses particularités, c'est que par rapport à la Polynésie, il y a beaucoup plus de diversité corallienne. Pour vous donner une idée, il y a quasi 500 espèces sur la Grande Barrière. Mmh. Et en Polynésie, on n'en a que 200. Elle souffre particulièrement, la Grande Barrière de Corail ? Alors oui, elle a été très marquée par un épisode de blanchissement qu'il y a eu en 2016. Et lors de cet épisode, il y a à peu près 30% des coraux qui sont morts sur la Grande Barrière. On peut imaginer une certaine résilience de cette Grande Barrière de Corail ? Alors on peut imaginer, sachant qu'il y a quand même certaines zones de la Grande Barrière qui sont plus affectées par exemple par des problèmes de pollution locale, développement côtier, urbanisation, extraction des sols. Et dans ces cas-là, on sait que tous ces impacts anthropiques qu'on va avoir vont diminuer la capacité du récif à revenir parce que les coraux ne vont pas se trouver dans des conditions propices. Pour revenir à vos coraux, ce que vous étudiez autour des îles polynésiennes, les plongeurs d'Under the Pole étaient pour vous, dans cette expédition, à la fois vos yeux, vos mains, ils sont allés à des profondeurs auxquelles vous, scientifiques, vous n'auriez pas eu accès. Oui, bah c'était, je pense, toute la richesse de s'associer avec les expéditions Under the Pole, c'est que moi et d'autres chercheurs, hein, parce que le projet qu'on a monté, c'est une douzaine de chercheurs, on avait cette volonté d'explorer la vie corallienne en dessous de 30 mètres, sauf que pour des problèmes administratives, légales, on n'avait pas le droit de plonger en dessous de 30 mètres. Donc... Alors vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de 30 mètres, mais par contre, vous, Guylain Bardou, vous avez le droit. Pourquoi ? C'est vrai que la France, elle a été pionnière dans le domaine de l'exploration sous-marine pendant des décennies. D'un point de vue juridique, elle avait pris vachement de retard quand même, depuis 20 ans, avec ce frein qui s'opposait aux plongeurs scientifiques. Donc ça a changé depuis le mois de mai l'année dernière, où aujourd'hui, des scientifiques peuvent plonger dans un cadre tout à fait légal jusqu'à 100 mètres. Donc nous, comment on a fait ? On a structuré ça autour d'un projet associatif, avec une réglementation donc qui est différente, qui est celle du code du sport et non pas du code du travail. Néanmoins, il faut reconnaître que sur ce genre de projet où on flirte avec les limites, on flirte aussi avec les limites juridiques. Il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais ça fait du bien aussi de repousser les limites. C'est ça qui fait aussi évoluer la juridiction quand il le faut. Grâce à ces plongées menées donc par Guylain Bardou et ses équipes, vous aviez un écran de contrôle à bord du bateau et vous pouviez voir en direct ce qu'il faisait. Alors c'est vrai que au départ on a commencé comme ça en se disant voilà, on va communiquer, moi je serai sur le bateau, Guylain et son équipe seront sous l'eau, on va communiquer, tu vas voir ce qu'on voit et on va collecter comme ça, mais assez facilement nous scientifiques on a réussi à leur faire faire confiance pour la collecte, qui sont devenus de plus en plus aguerris pour la collecte, à reconnaître les coraux qui nous intéressaient, à évaluer la diversité. Et du coup, on leur a redonné en quelque sorte leur liberté de plus être rattachés à nous. Et du coup, eux, ils étaient plus efficaces dans la collecte. Ouais. Ils ont découvert des coraux, des espèces de corail qu'on ne connaissait pas. Alors, ils ont découvert des espèces qu'on n'avait jamais référencées pour la Polynésie française. On a même deux genres coralliens qu'on n'avait jamais répertoriés en Polynésie française. Et là, grâce à eux, parce qu'ils ont été collectés à plus de 40 et 72 mètres, ben voilà, maintenant on sait que ces genres-là, ils sont présents en Polynésie française. Et ils ont peut-être découvert aussi une nouvelle espèce, mais là, en tant que bon scientifique, on ne s'avance pas trop et on est en train de faire des analyses taxonomiques et génétiques. D'accord. Peut-être d'autres découvertes. Bon, d'accord. À venir, à confirmer donc des plongées particulières dans les profondeurs. Hein, et ce n'est pas un détail parce que ça implique, Guylain Bardou, des paliers de décompression très longs. Chaque minute passée à 100 mètres de profondeur, par exemple, se paye en de longues dizaines de minutes ensuite à la remontée parce qu'il faut décompresser. Exactement, c'est tout le problème de la plongée profonde. C'est plus complexe, ça nécessite des équipements et puis un entraînement adapté parce que l'engagement n'est pas le même. Et chaque minute passée au fond se paye effectivement par des dizaines de minutes, par des heures passées au palier en décompression. Ces plongées exceptionnelles peuvent donner lieu à des événements exceptionnels. Lors d'une de vos plongées, l'un des plongeurs a été victime d'une attaque de requins. Que s'est-il passé ? Effectivement, sur une remontée, on était sur l'archipel de la Société, on remontait d'une profondeur de 124 mètres, et à 80 mètres, quand on commençait à ralentir notre montée pour la décompression, on a rencontré un requin gris, qui est un requin de récif, qui est territorial. Il avait un comportement très particulier. En fait, ce requin était en train de nous dire « Vous êtes sur mon territoire, allez-vous-en ». Mais on n'avait pas l'œil aguerri à ce comportement, on ne l'a pas bien détecté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mon collègue Julien s'est fait mordre sur le crâne. Alors c'est une blessure qui n'est pas très importante. Hein. Par contre, l'accident de plongée était très grave parce qu'on était en profondeur. C'est-à-dire que, toujours avec cette histoire de palier de décompression, à partir du moment où il se fait mordre à la tête par le requin, il doit encore obligatoirement passer 2h30 sous l'eau pour effectuer ce palier de décompression. Là, vous étiez avec lui sous l'eau, ça doit être 2h30 interminable. On était à 80 mètres de profondeur et effectivement on avait 2h30 de décompression avant de retourner en surface avec une interdiction donc absolue de remonter trop vite parce que là c'est la mort hein, à des profondeurs comme celle-ci. Parce que quand on remonte trop vite après des bulles se forment dans le sang et on ouais respire, c'est, et on c'est, en c'est ce qu'on appelle l'accident de décompression, ça peut aller jusqu'à l'accident cardiaque. Hein. Donc vous êtes un peu bloqué sous l'eau à ce moment-là. On est bloqué sous l'eau, ouais, c'est lié à la plongée profonde, c'est lié à ces paliers de décompression qu'on ne peut pas interrompre. Maintenant, les premières minutes ont été très stressantes parce que on comprenait pas vraiment ce qui s'est passé et puis on mesurait pas la gravité exacte de la blessure, quel était le risque hémorragique et les conséquences derrière. Finalement, au bout de quelques minutes, on a pu cerner. Donc le reste de la plongée s'est bien déroulé. On était groupés, on était plusieurs, on était entraînés. Puis derrière, une fois en surface, on a pu prendre du recul sur ce qui s'était passé et l'analyser. Il a donc fallu attendre 2h30 pour que Julien remonte sur le bateau et que l'on puisse mesurer l'importance de ces blessures. Ok, allez. Ça va, ça va. J'ai pas où c'est. Un coup là. Il y a des traces sur ta droite. Là, là je sens bien que j'ai deux pètes. Et t'as eu l'impression qu'il y avait une compression violente de l'ensemble de la boîte crânienne ? Non, non, non. Tu t'es senti ? Non, j'ai senti que j'étais tenu, mais pas compressé du tout. Tu vois. Il était trop petit pour m'attraper la tête en entier. J'ai eu la vision des films à la con là où t'as le requin qui arrive et puis tu sais il ouvre la gueule et tout noir derrière. Pareil parce que j'ai baissé la tête, j'ai vu sa gueule ouverte, j'ai fait putain. Et puis après il s'est débattu 2 secondes et là, comme il me tenait quand même, j'étais là. Putain mais c'est vrai quoi. Il est vraiment en train de me bouffer la tête. Enfoiré. Julien s'en sort avec une dizaine de points de suture, mais tout de même. Après cela, Guylain Bardou, il y a eu certainement une appréhension avant de retourner à l'eau. C'est un événement qui a bousculé l'équipe, parce que c'est pas un événement anodin, c'est un événement qui est absolument rarissime. Ça, les plongeurs attaqués par un requin, ça n'arrive quasiment jamais. Alors les scientifiques, dans ce cas de figure, on parle même de morsure, on parle pas d'attaque. Mm-hmm. Bon, ça c'est du jargon. C'est rarissime, ça n'existe pas, hein, littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'interprétation que j'en fais aujourd'hui, c'est surtout qu'on était dans un monde sauvage. On est dans un monde où les requins n'ont pas l'habitude de voir les plongeurs, parce qu'on plonge loin des passes, parce qu'on plonge profond. Et ce requin, il a voulu nous dire quelque chose qu'on n'a pas su lire. Voilà, il était en train de nous dire « Vous êtes chez moi, vous êtes sur mon territoire, allez-vous-en ». Et c'est des observations qui sont assez rares, finalement, qui sont décrites hein, scientifiquement depuis les années 70, mmh. mais que le plongeur a rarement l'occasion d'observer. Je crois que ça nous rappelle aussi combien on doit être humble dans l'exploration du milieu naturel. C'est des zones sauvages, c'est des zones qui nécessitent du temps pour apprendre à bien connaître et avancer pas à pas. C'est ça le grand enseignement, je pense, de ces plongées. Oui, vous en tirez donc une leçon et finalement une sérieuse remise en question. Oui. Parmi les objectifs de votre expédition, il y avait savoir jusqu'à quelle profondeur on peut trouver du corail que l'on appelle mésophotique, hein, de moyenne lumière. Alors là, vous avez là encore un peu essayé de repousser les limites en descendant le plus profondément. Comment ça s'est passé ? Le programme de plongée scientifique qui avait été établi avec Laetitia Edouin en amont, c'était un protocole scientifique systématique avec de l'échantillonnage à 6 profondeurs cibles, 6 mètres, 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres, 90 mètres et 120 mètres. Et cela sur les 5 archipels de la Polynésie, 12 îles en tout et donc 24 sites de travail. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à certaines profondeurs, à 120 mètres, on avait une diversité corallienne qui était très variable d'un site à l'autre. Et il y a certains sites, on s'est dit, mais là, il y a plus de corail que d'habitude. Jusqu'où ils vont vivre? Parce que bon, globalement, on a quand même une décroissance en termes de densité et de diversité entre la surface et la profondeur. Jusqu'où on va pouvoir les trouver? Mmh. Et effectivement, dans l'est de la Polynésie, sur l'archipel des Gambiers, à 120 mètres, on n'avait jamais vu autant de coraux. Et on s'est dit, on va aller voir plus loin. Ouais. Et on a fait 3 plongées pour aller essayer de voir quelle était la limite basse. Ouais. Et vous êtes allé jusqu'à 170 mètres de fond. Quand vous êtes dans les profondeurs, vous envoyez à l'aide de ballons gonflés d'air des échantillons en surface. Sur le bateau, le reste de l'équipe, dont le grand spécialiste des coraux, Michel Pichon, découvre ces échantillons que vous envoyez, alors que vous êtes encore au fond de l'eau. C'est combien ? 171. Michel ? Oui. Alors ? Alors voilà, c'est l'échantillon de corail le plus profond qui ait jamais été récolté dans le monde. On a repoussé la frontière des coraux récifaux et c'est pour nous très important parce que ça indique que la limite inférieure du peuplement mésophotique est nettement plus profonde que ce qu'on pensait. C'est extraordinaire. Je suis très émotionnel, ça fait presque 60 ans que je travaille sur les coraux. Vous m'excuserez, ça paraît oui, super heureux de partager ça avec toi, Michel. Ça nous rend super heureux et fiers. La voix étranglée de Michel Pichon, hein, que vous arrivez à surprendre, alors que ça l'a fait, il le dit, 60 ans qu'il travaille sur les coraux, et là, vous lui apportez la preuve de l'existence d'un corail qui survit à 170 mètres de profondeur. C'est très beau, c'est valorisant aussi pour tout le monde, c'est arrivé plutôt sur la fin du programme, et c'était pas la finalité, mais disons que c'est un petit plus, ouais. C'est une découverte supplémentaire qui est quand même intéressante, et de voir l'émotion de Michel, c'était quelque chose qui nous a tous touchés. Alors Laetitia Edouin, la spécialiste du corail que vous êtes, peut nous expliquer pourquoi c'est si important pour ce scientifique, si émouvant pour lui de trouver du corail à 170 mètres de profondeur? C'est surtout pouvoir avoir l'échantillon dans les mains parce que avant ça, la limite la plus profonde, c'était 165 mètres, un corail qui avait été observé mais dans un sous-marin. Donc la collecte n'avait pas été réalisée. Et donc là, l'émotion, c'est d'avoir ramené un corail encore plus profond. Donc on dépasse encore les limites à laquelle on pensait que les coraux pouvaient vivre. Et surtout, c'est d'avoir l'échantillon dans les mains, de pouvoir le voir, de pouvoir l'analyser, de pouvoir l'identifier et de pouvoir essayer de comprendre comment il arrive à vivre dans cet environnement qui devient très obscur. C'est ça, hein. Là, le mystère s'épaissit en même temps que l'obscurité, parce que vous nous avez dit, il y a une algue photosynthétique qui vit en symbiose dans ce corail. Et là, à ces profondeurs-là, il n'y a quasiment plus de lumière. Non, alors effectivement, c'est tout le grand mystère de comment ils arrivent à continuer à vivre. Et des analyses qu'on vient de faire, on se rend compte qu'il y a un changement, en quelque sorte, du métabolisme de ces organismes. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les coraux à 172 mètres, c'est pas du tout les mêmes que ceux qu'on va trouver en surface. Mmh. C'est des coraux qui construisent un squelette calcaire qui est très très fin, donc ils ont pas de grosses dépenses énergétiques pour construire leur squelette. Et on s'est aperçu qu'ils avaient d'autres algues dans leur squelette, donc qui sont pas les fameuses algues, les zooxanthelles qui vivent dans les tissus, mais on a découvert des algues qui vivaient dans leur squelette calcaire, et du coup on pense que c'est ces algues qui les aident à avoir de l'énergie pour vivre à cette profondeur. Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes, l'expédition avait aussi pour but de tester une capsule pour pouvoir rester jusqu'à 72 heures sous l'eau. Vous allez nous raconter dans un instant comment se sont déroulées ces longues plongées et ce que ce dispositif vous a permis d'observer. C'était Into the Surf Falls et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. France Inter. Du vent dans les synapses. Vous savez à quoi ça va servir ou pas? Je quoi, c'est quelque chose qui va au fond de la mer. Ça s'appelle la capsule. Ah, la capsule. Donc ça, c'est les ballasts pour tenir effectivement au fond la... Et la capsule, c'est un genre de petit habitat sous-marin où les plongeurs du projet vont rester 3 jours sous l'eau en continu. Ah, c'était le... mission dans l'espace, quoi, mais ça, c'est dans, la... dans l'océan. Exactement, c'est exactement ça. Discussion entre un membre de l'expédition Under the Pole 3 et un chauffeur de camion polynésien, curieux de savoir à quoi va servir le matériel qu'il transporte. Guylain Bardou, c'est vrai qu'elle a de quoi intriguer cette capsule que vous avez plongée dans les eaux polynésiennes. Elle est intrigante, effectivement, parce que ça touche aussi à un vieux rêve de l'humanité, hein, qui est de vivre sous la mer, et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais avec ce regard scientifique. La capsule, elle ressemble à un petit habitat, c'est un cylindre en aluminium qui fait 1,50 m de diamètre et puis 2 mètres de long. À ses deux extrémités, elle a deux grands dômes qui permettent de voir à 360 degrés sur l'océan. Qui sont transparents, hein, comme des fenêtres. Comme des fenêtres, et qui même permettent de s'approcher en allant à l'intérieur de ces dômes. Et là, on est carrément comme dans une bulle, et on voit l'océan autour de nous. Ouais. Alors scientifiquement, quelles observations ça permet d'envisager ? La vie en continu au cœur de l'océan. C'est vraiment ça la finalité. On est humain, on n'est pas des poissons, et forcément, après quelques minutes, après quelques heures, on doit remonter en surface. Qu'est-ce qui se passe avant ? Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe la nuit ? C'est des questions, en fait, auxquelles on a du mal à répondre. Vous voyez ça comme une tente, hein, finalement, cette capsule, que vous pouvez déplacer. Alors, elle est lestée avec des ballasts qui remplacent un peu les sardines, pour reprendre la métaphore de la tente. Mais vous pouvez l'installer comme ça dans différents fonds marins. Oui, c'était son cahier des charges d'entrée de jeu. On voulait que ce soit modulable, transportable, et puis surtout sans impact sur l'environnement. L'objectif, c'est de faire des observations passives et de pouvoir s'en aller en laissant le récif tel qu'on l'a trouvé. Et vous avez pu y passer beaucoup de temps, jusqu'à 72 heures dans cette capsule. Vous y avez partagé des moments de vie qui, dans l'atmosphère chargée d'hélium, ont dû avoir une saveur particulière. Un anniversaire de rêve baigné dans l'hélium, ça vous rappelle de bons souvenirs, Guylain ? Ouais, c'est rigolo. C'est... Bon, ça, c'est des moments de camaraderie au milieu des moments parfois plus fatigants, plus difficiles. Ouais. La voix de canard, c'est lié à l'hélium. On ne respire pas de l'air comme on est en train de le respirer ici sur Terre. On respire ce qu'on appelle un héliox, un mélange d'oxygène et d'hélium, et qui donne cette voix un peu nasillarde. Ouais. Pourquoi il faut respirer ce mélange ? Pour des raisons de décompression, si on respirait de l'air, donc avec de l'oxygène et de l'azote, on mettrait beaucoup, beaucoup plus longtemps à remonter en surface au terme de notre séjour de 72 heures dans la capsule, à 20 mètres, alors qu'en respirant cet hélium, on peut remonter en quelques heures seulement. Alors, évidemment, ça n'a pas servi uniquement pour fêter les anniversaires de l'équipe, hein, cette capsule. Ça vous a permis de faire des observations formidables, notamment concernant les coraux. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez pu observer ? Alors, on a fait des observations à la fois sur la vie du récif, les poissons. Et puis, on avait un programme parallèle qu'on a mené avec des plongeurs qui intervenaient depuis la surface autour de la reproduction des coraux, la ponte des coraux. C'était un phénomène qu'on a voulu observer pour la première fois, en tout cas, sur le récif de Montréal. Ouais. C'est important, ça, dans le cycle de vie des coraux, Laetitia Edouin, ce moment de la reproduction, il est assez rare. Ah oui, bah c'est un moment qui est rare, hein, parce que là, sur les espèces sur lesquelles on a travaillé, les Acropora, ils se reproduisent quelques nuits par an. Donc c'est vraiment un moment qui est clé, et si cette reproduction n'intervient pas, eh bien vous n'avez pas l'apport de nouveaux individus sur le récif, et du coup votre récif ne peut pas récupérer si jamais il y a eu des perturbations. Et alors ça ressemble à quoi, ce moment de la reproduction rare dans la vie d'un corail ? Alors on décrit souvent un petit peu ça comme un phénomène de neige à l'envers, donc c'est-à-dire que vous avez votre colonie, puis tout d'un coup, en l'espace de quelques minutes, vous avez plein de petites boules qui remontent à la surface, parce que les œufs, c'est beaucoup de matière grasse. Donc du coup, ça flotte et du coup, ça dure une dizaine de minutes. Donc c'est un moment qui est aussi assez difficile à capturer parce que on sait qu'ils vont pondre quelques jours après la pleine lune, mais ils nous envoient pas leur calendrier en nous disant soyez là à 23h et c'est notre heure. Donc du coup, il faut passer des heures dans l'eau pour arriver à capter ce moment-là. Et les coraux qu'ils ont observés, ils ont pondu à 22h10. Donc voilà, il fallait être dans l'eau à ce moment précis et ça leur a quand même demandé de nombreuses heures. Je crois que c'est 24 heures d'observation en tout qu'ils ont passé dans l'eau pour arriver à capter ces quelques minutes de la reproduction de cette espèce corallienne. C'est une récompense, Guylain Bardou, quand on a attendu un moment, un phénomène aussi longtemps, quand on le voit, il doit y avoir les larmes dans le masque qui en bu. Oh, c'est une récompense pour les plongeurs qui ont pu l'observer. Je n'étais pas là à ce moment-là, d'ailleurs. J'étais en surface. Ça a été 8 jours d'observation. En fait, c'est jour après jour, nuit après nuit, avec des équipes qui attendent en surface, parfois dans le mauvais temps. C'est pas facile. Et donc, quand on y arrive, on est content. Ouais. Pour conclure, Laetitia Hédouin, est-ce qu'il y a des pistes, des actions auxquelles pensent les scientifiques pour restaurer les récifs coralliens endommagés? Alors, il y a beaucoup d'approches qui sont faites sur la restauration. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on essaye de faire pousser des coraux dans des pépinières coralliennes pour les réimplanter. Mais aujourd'hui, face au grand bouleversement de la planète et notamment le réchauffement climatique, on s'oriente aussi vers ce qu'on appelle l'évolution assistée. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye en quelque sorte d'entraîner les coraux à mieux faire face à l'augmentation de la température. Et du coup, on couple un peu ça à faire de la restauration assistée. Et après, ce qui est aussi primordial, et c'était un peu ça l'objectif de Deep Hop, c'est aussi d'identifier pourquoi un récif est capable de se remettre après une perturbation et du coup de favoriser ces zones qui sont sources de larves, parce que c'est vraiment ce processus de résilience qu'il faut préserver à tout prix pour aider les récifs qui sont dégradés à se remettre. Guylain Bardou, la prochaine étape de l'expédition Under the Pole, vous mettez le cap sur quelle mer du globe ? Alors ce sera l'Antarctique, en fin d'année, rendez-vous avec l'équipe d'Under the Pole à Ushuaia, au sud de l'Amérique, pour une mission de 2-3 mois dans le Grand Sud. Après avoir fait l'Arctique pendant une dizaine d'années, on est très content d'aller pour la première fois dans l'autre région polaire. L'Antarctique, ce sera la péninsule antarctique. Toujours pour étudier cette Twilight Zone, cette zone crépusculaire et les formes de vie qui s'y trouvent. Exactement. Merci Guylain Bardou et Laetitia Hédouin. Pour en savoir plus sur les expéditions Under the Pole, il y a le site internet vers lequel nous allons mettre un lien sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Merci Laetitia Hédouin, bon retour en Polynésie et bon vent Guylain Bardou. Merci. Merci, à bientôt. Dans un instant, on s'intéresse à la diversité des races, des animaux de nos fermes et de nos campagnes avec l'ingénieur agronome Éric Birloise. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Personne, personne, je serai là. Clara Luciani, c'était ma sœur. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. C'est une vache qui est très représentative de la race. Dans sa tête déjà, elle a vraiment la tête typique des vaches charolaises. Ensuite, elle a un dos droit, large et musclé. Description par l'éleveur Jean-Marie Goujat de sa vache charolaise prénommée Idéale, choisie pour être l'égérie du Salon de l'agriculture 2020 qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris et dont France Inter est partenaire. L'occasion de nous intéresser à la diversité des races des animaux d'élevage en France. Bonjour Eric Birlouez. Bonjour Daniel. Vous êtes ingénieur agronome et vous venez de publier Les animaux de nos fermes et de nos campagnes aux éditions Ouest France. Votre ouvrage est un inventaire, ce qui permet de faire le point sur l'évolution de la diversité de ces races, parce que ces races n'ont pas toujours existé. Non, bien sûr. Alors d'abord, elles existent, ces races, depuis la domestication, mais en réalité, on commence vraiment à parler de races, même si on n'emploie pas le terme, dans l'Antiquité. C'est-à-dire, dans la Grèce ancienne, on sait par exemple que les chevaux de telle région, ils sont plus rapides ou plus endurants que les chevaux de telle autre région, que les moutons d'ici sont mieux que les moutons de là pour la qualité de la laine, etc., etc. Et en fait, on a des groupes d'animaux qui se constituent avec des caractéristiques de production, mais aussi morphologiques, qui sont différentes. Alors ça, c'était à l'Antiquité, mais les races à proprement parler, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles arrivent bien plus tard dans l'histoire. Oui, elles arrivent bien plus tard. En fait, on commence vraiment à parler de race et à sélectionner de race à partir du 19e siècle. Alors, on introduit déjà à la fin du 18e, on fait quelques croisements, mais c'est surtout au 19e où on essaye de travailler. Alors, d'abord en faisant venir des races étrangères d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse également, pour améliorer la production de viande, par exemple. Donc, on fait des croisements. Et puis, assez vite, on se rend compte, finalement, qu'il vaut mieux travailler, comme on dit, en race pure. Et donc, là, on va sélectionner, on va définir un standard de race, des caractéristiques, on va éliminer les animaux qui ne sont pas conformes, on va faire se reproduire entre eux les animaux qui sont les plus adaptés à ce que l'on cherche en termes de standard de race. Et c'est comme ça que vont se constituer les à peu près 50 races bovines françaises qu'on a actuellement. Mais il y a actuellement une cinquantaine de races de vaches sur le sol français. C'est-à-dire, en fait, il y a eu beaucoup de pertes, finalement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu évidemment rationaliser, rendre les animaux beaucoup plus productifs, beaucoup plus rentables, et puis surtout ne pas disperser les efforts de recherche, de techniques d'élevage, de sélection sur tout un tas de races. Alors aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de races bovines en France qui sont reconnues officiellement, des races laitières, des races spécialisée viande, qu'on dit race allaitante, encore quelques races mixtes, mais pas beaucoup. Puis on a un peu plus d'une cinquantaine de races de moutons, même pas une dizaine de races de cochons et d'ânes, une dizaine de races de chevaux et une quinzaine de races de chèvres. Alors votre ouvrage est un inventaire avec une entrée par région, comme un atlas, avec des races d'élevage françaises, y compris des races menacées et puis des races à faible effectif. C'est pas d'ailleurs exactement la même chose. Alors, c'est pas complètement différent, bien évidemment, mais il y a quand même l'idée qu'on peut avoir une race à petits effectifs qui n'est pas menacée. Je pense par exemple à une race de chevaux, le Henson, qu'on appelle aussi le cheval de la baie de Somme. C'est une race qui a été créée récemment, dans les années 70, qui a été reconnue officiellement il y a une quinzaine d'années. Et c'est une race qui plaît beaucoup, donc elle est en plein développement, mais pour le moment, les effectifs sont petits. Autrement dit, on crée encore des races aujourd'hui. Il naît encore de nouvelles races. Beaucoup moins, évidemment, qu'on a pu le faire à une époque, quand on a voulu justement rationaliser, absorber les autres races locales. Mais on continue à créer des races. À l'inverse, une race dont les effectifs sont légèrement supérieurs au seuil de risque, c'est 5000 femelles reproductrices pour les vaches, par exemple, peut être menacée si elle est confinée sur un petit territoire où elle serait donc plus vulnérable à des événements tels que une épidémie, une catastrophe naturelle, etc. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et vous avez des exemples, alors, de races menacées aujourd'hui en France? Oui, et qui ont été sauvées. C'est ça qui est intéressant parce que, avant de citer quelques exemples, il y a eu quand même cette idée que c'était important de préserver la biodiversité, pas seulement des animaux sauvages, des ours blancs et des orangs-outans, mais également la diversité des animaux domestiques et en particulier des animaux d'élevage. On se rend compte que ces races locales Certes, elles étaient moins productives, moins rentables économiquement à une époque, mais aujourd'hui, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont adaptées au milieu dans lequel elles se sont développées, grâce donc à la nature et puis à l'homme, évidemment, qui a forgé ces races locales, qui sont rustiques, qui sont sobres, qui peuvent valoriser des fourrages pauvres, grossiers, dans les régions de montagne, dans les régions de marécage, dans les landes, et elles le font à moindre coût. Donc, c'est vraiment intéressant pour entretenir des paysages d'une grande richesse écologique. Et donc, c'est des atouts aujourd'hui. Leur richesse génétique permet de faire face à une multitude de situations. Oui, de... absolument. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, que les vaches qui avaient été sélectionnées pour leur productivité, produire beaucoup de lait, beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, par exemple, pour les volailles, eh bien, ces races, elles pouvaient être aussi plus fragiles, plus sensibles aux maladies. Or, les races locales sont rustiques. Elles résistent bien. Elles se sont adaptées à tout un tas de situations difficiles. Donc, aujourd'hui, elles sont précieuses. Il n'y a pas besoin de beaucoup de frais vétérinaires pour les élever, par exemple, parce qu'elles peuvent mettre bas, voilà, sans l'intervention humaine. Elles ont beaucoup d'atouts et donc aujourd'hui, on se rend compte de la nécessité de les sauver. Alors, citons-en quelques-unes de ces, ces races. Alors, il y a, alors, par exemple, dans les vaches, tout le monde connaît évidemment, enfin, j'imagine, la vache noire et blanche, ultra dominante dans le paysage laitier français, qui est la Prime Holstein, donc une vache d'origine hollandaise. Alors, celle-là, elle n'est pas du tout menacée. Alors, elle n'est pas du tout menacée. Ouais. C'est 60% des vaches laitières françaises, c'est 80% du lait. On a la Montbéliard qui est très connue. Et puis, il y a des races beaucoup plus petites en effectif. Là, je pense par exemple à deux races bretonnes. Alors, il y a la froment du Léon, donc Philistère Nord. Elle donne pas beaucoup de lait, mais elle donne un lait qui a la caractéristique d'être doré. Parce qu'il est très riche en bêta-carotène, ces animaux de cette race, ils ont la particularité de fixer dans leur lait ce pigment bêta-carotène que l'on trouve dans l'herbe. Autrefois, c'était la race des châteaux, parce que les nobles en Bretagne adoraient avoir un beurre et une crème bien dorés. Il y a également la bretonne pinoire qui, elle, est plutôt du sud, du département du Finistère. C'est la plus petite des races françaises qui avait failli, là aussi, disparaître. Et aujourd'hui, finalement, elle connaît un renouveau parce qu'elle est bien adaptée aux espaces de plein air, aux élevages extensifs, etc., etc. Les chevaux aussi, vous citez dans votre ouvrage des races. Le cheval était évidemment très, très important. Autrefois, on l'a peut-être un peu oublié pour les travaux agricoles, pour tirer évidemment et porter des denrées alimentaires ou autres. Également, il y avait des autobus dans Paris qui étaient tirés par des chevaux, on l'a oublié, des diligences, des carrosses, etc. Et puis ces chevaux, du coup, quand le moteur est arrivé avec la mécanisation, on n'en avait plus vraiment l'utilité. Il y avait quand même une utilité, on les a reconvertis vers la consommation de viande. Mais aujourd'hui, les Français consomment plus vraiment beaucoup de viande chevaline. Les Italiens en mangent et les Japonais. Par exemple, le premier débouché du cheval comtois, un cheval de trait traditionnel, eh bien, c'est l'exportation de viande chevaline vers le Japon. Et puis, on utilise également aujourd'hui ces chevaux de trait pour les loisirs, bien évidemment, l'équitation, l'attelage de loisirs, et également dans certaines communes pour transporter les poubelles ou pour le nettoyage des plages. Donc, on assiste au retour, finalement, de ces races de chevaux de trait qui reviennent avec de nouvelles utilités. Exactement, y compris en agriculture, d'ailleurs, dans le maraîchage, alors bio, mais pas seulement. Dans les vignes, un cheval s'attasse moins le sol, il n'y a pas besoin qu'on lui donne du gasoil ou de l'essence, et puis il ne fait pas de bruit, donc il a beaucoup d'intérêt de ce point de vue-là. Toute la diversité des races des animaux d'élevage en France est à découvrir dans votre ouvrage « Les animaux de nos fermes et de nos campagnes » aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous, Éric Birloez, d'être passé nous voir. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 15h pour de nouvelles découvertes et dans un instant, place à la musique avec la preuve par Z de Jean-François Zigel.